Mon au départ pour péter le score, comme si c'était un trou de balle. Foncé dans le tas ou dans le décor, telle est la devise de ce tout bar. C'est la panique, car quand je pénave, les fois M6 stress sur ma rime. Je veux du liquide, pas toucher le fond, à croire que ma vie serait sous-marine. Je t'amène encore un 8 bastos, prêt à trouer l'antipop. Car contre la chera lyrical, personne m'a trouvé d'antidote. Mano mitraille depuis que ma plume est enclenchée à l'heure. Où je te parle, faudrait que je te crève les yeux pour que tu puisses manger à l'œil. C'est la combat qui s'en va, du bruit des balles et des coups de batte. Allez, rempart, y'a pas ni pas, y'a pas de l'air gamme, on son débarque comme à la bas. T'es une flèche venant d'un arc, y'a pas d'arnaque, elle est démarre. Comme après la prise de crack ou la rencontre avec la BAC. La France te met le corsaire et s'en prend de guerre. La rue te gère et te donne le cancer. À quoi ça sert, elle te laisse pas faire. Sous l'emprise de Lucifer, il faut s'y faire. Je suis qu'un MC qui a pas trop de trucs, qui casse des briques quand il débute. Qui voit trop de flics, qui t'a trop filmé, qui profite loin des tropiques. On s'associe, voilà du lourd, qui pèse en tonnes et non pas en kilos. Sur le beat ça va saigner, pire qu'un scénar à la Tarantino. Violent, comme un lycée qui se fight à la sortie des cours. Là c'est d'un vodka, tout le monde s'échappe à la sortie de secours. Normal que tu dégustes, on est des réels productions. Pour toi c'est cuit, je te souhaite bon appétit bien sûr comme Joël Robuchon. Dans ma tête je me demande ce qui se trotte, je remets en place ceux qui me traitent. Bientôt 30 ans la retraite, c'est de la street, pas de l'artrie. On affronte la survie, chacun son tri. Pas de surprise, certains subsistent fixe ou shit quand ça se complique, je suis sottise. Je te raconte pas de sottise, t'as 10 cents et c'est sensé. Ouais, j'ai déjà fini sans sous, comme tous à fumer des sensons. C'est dans le son qu'on se retrouve, faut que je décube, ça sorte des cas. Si tu veux test mes gousses, faudra que tu traverses les doux. Mon son débarque comme à la barre. Sur le beat, ça va saigner, pire qu'un scénar à la Tarantino. Dans ma tête, je me demande ce qui se trompe. T'amènes encore un 8 bastos, prêt à trouer l'antipop. En danger, mais ne sois pas le pur. Ni un peu dirty, j'écoute pas des sons sortis nulle part. Toujours dans les temps, donc c'est normal que je garde la pêche. Si tu veux test mes gousses, faudra que tu traverses. On me voit pas, mais je traîne tout pas, je me fous que l'endroit soit macabre ou non. De toute façon, j'ai plus d'estime que le mec à Bruni. Bien calibré, ma rime te baise, la rue est libre à nous. On n'est pas à l'abri, la chance est rare comme de bousser les bras nus. Fuck le dirty, j'aime pas ce rap étrange qui dégage. On veut du lourd, ouais du vénère, celui qui tranche et dégorge. Génération Under, j'aime à l'ancienne et j'ai pas de cinéma. C'est pas un son qu'on dort, c'est 18ème futur avec cinéma. J'écoute pas des sons sortis de nulle part, tu parles. C'est l'inconnu, pas les tops d'une star, tout stars. Quand il s'agit de faire d'une perte de goût, n'abuse pas. Tous revendiquent leur perte de couilles, mais au final n'assument pas. Yo, rentre dans le jeu, mais ne sois pas le pion. Ici y'a que la loi du taillon qui prime. Hélas, pas que les keufs qui priment. Les spétons, y'a que les bons qui triment. Qu'est-ce qui se trappe? À croire dans le rap, c'est que les minorités qui font les bonnes clims. Toujours dans les temps, donc c'est normal que je garde la pêche. L'attente est longue pour avoir sa place comme à la crèche. Mais chacun son tour, si je veux, je double, rien m'en empêche. Le mental en hausse, le moral rarement en baisse. Balthazar, Pixanavo est toujours sportan à vivre. Si j'ai pas percé, c'est que j'ai peut-être pas de portable à vivre. Bref, je fais de la plongée en sud, côtoie des épaves à mes yeux. Le rap, c'est toujours mieux quand ça tisse pas. Je ne suis qu'un gosse de plus qui parle de sa vie néfaste. Qui porte le fardeau de ses plaies, que même le temps n'efface pas. Bien sûr que j'aimerais grandir, espérer demain meilleur qu'hier. Rester fort c'est dur, je te jure, mais je t'assure que le cœur y est. Je ne serai pas de ceux qui leur montrent ce qu'ils veulent voir. Quand chacune de mes pupilles représente une veuve noire. Éloignée des vertus, des valeurs qui ont bâti l'homme. Où la folie est meurtrière, bienvenue à Babylone. Mon son débarque comme à la barre. Sur le beat ça va saigner, pire qu'un scénar à la Tarantino. Dans ma tête je me demande ce qui se trompe. T'amènes encore un 8 bastos, prêt à trouer l'antipop. En danger mais ne sois pas le pion. Ni un peu dirty, j'écoute pas des sons sortis de nulle part. Toujours dans les temps donc c'est normal que je garde la pêche. Si tu veux test mes gousses, faudra que tu traverses les doux. Mon son débarque comme à la bas. Sur le beat ça va saigner, pire qu'un scénar à la Tarantino. Dans ma tête je me demande ce qui se trompe. T'amènes encore un 8 bastos, prêt à trouer l'antipop. En danger mais ne sois pas le pion. Ni un peu dirty, j'écoute pas des sons sortis de nulle part. Toujours dans les temps, donc c'est normal que je garde la pêche. Si tu veux test mes gousses, faudra que tu traverses les doux. On obtient tout ce qu'on veut si on a la manière. Tout est dans la manière.